reviens pour foutre le bordel. Je démarque et marque un but avec la tête pour mon équipe. Check mon ego trip qui fait flasher les vraies têtes et les faux trips. Grave, dans ma formation, pas de boucave. Comme un putain de bon vin, je sors mon son de la cave. Dise mon flow comme du bordeaux. Si le rap était un container, rappelle-moi Rika le clodo qui cherche à croquer le morceau. Forcément, j'avance et fonce avec les mots pour former l'élément qui fait de nous des ouvres, des barges dans ce mouvement. Le quartier nous supporte, il sait ce qu'on lui rapporte. Mon rêve est simple, tous mes frères un jour démontrent le quartier pop. Je dribble sur beat et maîtrise le style de la ville de Bill. Yes. Il faut qu'on ait que qu'on baisse, qu'on bouge ce putain de système. On a les attaquants, les défenseurs, les ailiers. Dans ma putain team, toi-même tu sais qu'il n'y a pas de PD. Appelle-nous les messes du mic qui blessent et font mal. Je vois des enfants pas très sages, la base ramène la fée, c'est fatal. Une puissance de dingue qui débarque dans ta face, c'est la base. Écoutez le rime, m'a dit mais trop efficace. Check mon son, esprit mis de son provoque la son tas. Comme la base, la force dans ta face, c'est que t'y t'attends pas. Alors quoi? Fais de la place ou on t'écrase. On avance dans les sous-sols donc tu vois pas qu'on te dépasse. Où est le spag? J'espère que t'as bien compris. Je pense qu'ils t'ont dit, tombe sur nous pour ça c'est tant pis. Mais tant pis, avec la base, fais pas ton bandit. On vient de la ville des morts vivants, on appelle nous les zombies. On sait d'où on vient et on sait où on veut aller. Si t'es dans notre chemin, fils de pute, fallait décaler. On valait des millions si la valeur serait des vinyles. Plein de styles de beat trop carré et des rimes qui tirent dans le mille. Ça fait mal, la base du commerce, l'équipe elle est formée. On a taffé comme des chiens pour mon que vous dormez. L'équipe est formée, tu viens ne peut plus nous arrêter. Dans le laboratoire, les expériences vont pouvoir commencer. Les scientifiques revoient leurs méthodes, appliquent leurs techniques. Choisissent leurs substances pour IB pour défier les lois de la musique. Sur les gants, les casques, les ciseaux, les masques. Car quand il s'agit de certains produits, on va les chercher dans le ciel. Les forces obscures nous alimentent. Les disciples de Chétain comprennent nos arguments lorsqu'il s'agit de vente. On n'est pas du champ, vraiment rappeler les bras. Plutôt baiser les lois lorsque nos projets ne sont pas en accord avec l'État. Je m'en bats les couilles de ce qu'ils pensent. Come in through, les experts se dépensent. La part est tout comme je l'équipe et les formés. On a des pis des rimes trop fort, mec. On vient d'informer d'une manière formel. On vient pour foutre le bordel. La barre est tout comme eux, l'équipe elle est formée. On a des pis des rimes trop forts, mec. On vient d'informer d'une manière pas très formelle. On vient pour foutre le bordel. C'est la base, c'est la base. Pour ce putain de 2012, man. We keep it real.